on met Windows dans un Mac. Je télécharge Windows et basta. Sharon. Je sais même pas comment on fait. Happy birthday to you. Et ça fait longtemps que je ne vous ai pas emmerdé. Je peux pas. Oui, alors, ça fait longtemps. Alors, nos visions. Jam, pourquoi j'ai deux fois Jam? C'est quoi ça? Information système. Pédago. Ancien logiciel. Aucune information. CD, DVD, mais je peux mettre de CDV et DVD du parc, il est nul ce truc. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Ouh, ouh, ouh, ouh. Allez, je coupe le micro.